Il est 20h30 sur Radio Panique et à 20h30, c'est l'heure du Memento. Ah, salam, je vous souhaite le bonsoir, mon noble ami. Approchez, approchez, venez plus près. Faites-vous quelque chose de sale. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? J'y ai vraiment trop cru. Voici venu l'heure du Memento. Good morning, Vietnam! Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du Memento, le 50e pour être précis. Alors, j'avoue, on vous avait promis une giga teuf pour fêter ça, un truc en live avec plein de gens. Mais vu les circonstances, on s'est dit que peut-être se serrer à 15 dans un studio ou à 50 dans une salle des fêtes de folie, c'était peut-être pas le moment. Voilà, donc... C'est partie remise, hein. Oui, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. On fêtera le 51e ou le 63e. En fonction de l'évolution des choses. Au final, fêter la dizaine, c'est tout à fait subjectif. Moi, j'aime beaucoup qu'on dise, ok, 58e, grosse folie. Voilà. Même si c'est plus tôt, c'est pas très grave. La 53e, ça sonne bien aussi, ça. C'est dans trois mois. Dans trois mois. On est optimiste. Ouais, oui. J'avoue, dit comme ça. Oui. Bon, allez. On verra. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, eh bien, on fait un épisode jukebox, c'est-à-dire on fait juste une playlist avec des trucs qui nous ont fait plaisir. Et c'est d'ailleurs le thème de l'émission, c'est plaisir, écrit en flamand. Et tout ça simplement... Ça aussi, c'est tout à fait subjectif. C'est tout à fait subjectif. Et voilà, tout simplement, on va juste écouter des petites pépites qui passaient par là, qui nous ont marqué ces derniers temps et qu'on avait envie de partager avec vous. Et du coup, le Memento plaisir, c'est tout de suite sur Radio Panique. Oh, ma petite Catherine! Mais qui voilà, qui est cette petite là, Josiane ici, quoi? Oui, c'est moi! Ah, ça va? Mais ça va très bien, ouais. Ça va très bien! Et le Dim, il fait toujours du rap là? Dimitri, tu sais, Dimitri, il rappe, oui, ça il rappe! Ah, ça c'est bien! Mais à côté de ça, il est toujours un morph dans le canapé! Ah, ouais, avec ses copains là! Avec tous ses copains! Ah, ouais! Et alors, je voulais justement t'en parler, mais c'est dis-moi. Quelque chose qui me. En fait, il boit tout mon sirop pour la toux. J'avais joué. Mais il est malade. Ah, il est pas malade, c'est ça. C'est pour ça que moi, je te dis ça. Mais tu sais, écoute justement, tu sais que le mien, il est malade toute l'année, j'ai l'impression. Ah. Une conjonctivite redoutable. Hein. Donc l'inverse alors. Je sais pas, les yeux rouges tout le temps, très lucide comme ouais, garçon. C'est bizarre. Hein, mais... Moi, j'aimerais quand même bien regarder une fois parce que... Boire ce sirop pour la toux et puis être un morph comme ça. Ça aussi il veut, continuer. Toi. Le ouais. Maca, tu sais, qui me demande tout. Maca, j'ai donné ça une fois à Yves, il va garder. Ah, Yves. Le pharmacien. Dis bonjour à Yves de ma part, alors. Je dirais bonjour à Yves. Allez. Bisous. Salut, hein. Salut. Roméo Elvis et Swing qui font l'interlude de l'or du commun sur l'album Zeppelin de 2017. Là, ils ont sorti un album aussi en 2018 et là, ils sont occupés à sortir leur album solo. On suppose que la suite va pas tarder à sortir. Jeu, l'or du commun. La file est longue au club des badass, hein. 120 pompes et quelques féculents. Puis un beau style avec un air hostile. L'idée de base n'est pas mal, ouais. Mais dans les congrès, suffit d'accroche partout d'un péculant pour voir le mythe s'effondrer. C'est comme au football, faut apprendre à dompter son cran. Les caméras nous guettent tous, autant qu'à la Juventus. Donc surveille dehors avant de montrer ton gland. Un faux pas sur scène, c'est comme un coup de boule ou bien deux buts contre son camp. Y'a ceux qui glissent bien, puis ceux qui taclent dans les ponts. Je reste un mec foigné quand ça me démange les poignets. Je mets mes gifles avec un peu de talc dans les paumes. Ils n'ont pas plus de mérite que la femme de Kanye. Un grill c'est quelques signes de main. Signe de main. Suffit pour que tu signes demain. Signe de main. Cela dit, prends garde car les jeux drôles. Jeux drôles. Sont pas toujours des jeux drôles. Hey. Cela dit, un grill c'est quelques signes de main. Signe de main. Suffit pour que tu signes demain. Signe de main. Cela dit, prends garde car les jeux drôles. Jeux drôles. Ne sont pas toujours des jeux drôles. Entre les paroles et les actes, y'a comme un écart. Oui, la dégaine est impeccable. Ça parle, mais ça fait que dalle. La première à verser les façades se lézardent. C'est dans la difficulté qu'on voit les vrais visages. Ça joue les dingues, ça joue les costauds. Pour des bières, ça fait le gosbo. Ces mecs sont aussi mégalos que Cusco, c'est minable. En termes de dope, ils se disent cuistot. Pour un like, ils iraient même plus bas que Jacques-Yves Cousteau. Bitch, limco, que dans les backstage. Vous faites les durs à cure, mais vous êtes tendre comme du nougat. Sinon, team à tout prix, vous recherchez la street cred en faisant les youvois. Funga quinoa, c'est comme tous ces blancs qui disent nigga. La vie que j'ai, je l'aime en tout cas. Je joue pas de flûte, je dis pas de salade. Rapper ma vie au sud, j'suis bon qu'à faire ce truc, c'est pas là. Peine de faire le ric en version bêta. Remettons la musique au centre du débat. Dany, à la base c'était pour acheter des cahiers. Et t'as été acheter des dents en or, comme un putain. Aussi vendu que cette blatteur, n'arrête pas de faire l'acteur. Parle avec cet air flatteur, mais ne te respecte pas. J'évite ce genre de mec, d'ailleurs j'ai des choses à faire ailleurs. Je ne suis pas spectateur, s'il se donne en spectacle. La ville est mon terrain de jeu, j'en connais les peintures, les teintes. Je connais toutes les rues de la grande ceinture. Je voudrais faire un seul vœu. Autour de moi j'ai plein de gens, je suis tellement fier d'être l'un d'eux. Cinq jeunes qui font le job à plein temps. On manie la matière, sur ta carrière s'arrive pas mes mains, je veux. Je maîtrise quelques atouts, oui les jaloux maigrissent. Car nos équipes à tous les régimes minceurs. On a connu quelques succès, on joue le jeu depuis nos 20 ans. Pas maintenant qu'on laisse à ceux qui succèdent. Le truc c'est qu'on enregistre en plein centre. On représente Bruxelles, l'ODC, nouvel album au printemps. Mes clés de maison dans la mise. On joue le jeu. Elle a retiré le blue jean. On joue le jeu. Le pilote est noyé dans la tise. On joue le jeu. Un chabit avec Poutine. On joue le jeu. Mes clés de maison dans la mise. On joue le jeu. Elle a retiré le blue jean. On joue le jeu. Le pilote est noyé dans la tise. On joue le jeu. Un chabit avec Poutine. Briser la routine. Joue le jeu. Joue le jeu. Joue le jeu. On joue le jeu. Briser la routine. Joue le jeu. Joue le jeu. Joue le jeu. On joue le jeu. Le jeu, l'or du commun, une track bien, bien funky pour commencer cette émission plaisir avec les ambulances de Saint-Josse, n'est-ce pas? La suite, on quitte la Belgique plutôt pour monter dans le nord, vers la Hollande et en fait derrière, vers la Turquie. Exact, et j'aime bien ces petites ambulances, ça rajoute le petit côté storytelling qu'on a un peu tassé au fur et à mesure des saisons de Memento, même si on essaie de trouver un lien. J'avoue que pour le coup, l'émission d'aujourd'hui, on y reviendra. On fait avec les moyens du bord, on a fait beaucoup d'émissions montage pendant le confinement, on avait juste envie de se faire plaisir, hein, voilà. Et donc on le fait. Et justement, la première chanson que j'ai envie de vous passer aujourd'hui évoque pour moi totalement ce plaisir. C'est une chanson d'Altingun que moi je connaissais pas. Toi Arthur, je pense que tu avais déjà un petit peu entendu parler de ce groupe. Donc néerlandais, ils viennent d'Amsterdam, on le rappelle. Origine turque, ils chantent en turc également. Et musicalement, il y a clairement des influences turque. C'est du rock psyché. Alors ça me fait rire. Par exemple, j'ai regardé un peu le style musical, ouais. Rock psyché. Je pense tout de suite à des trucs comme Tame Impala en Australie ou ce genre de choses. Ouais. Et j'avoue qu'on est quand même assez loin de représenter tout l'univers musical qu'ils ont. Quoi. Parce que rock psyché, ça n'évoque pas forcément ce qu'on va entendre d'ailleurs. Parce que cette track-là est un peu plus funky aussi. Quoi. Mais il y a quand même un truc avec un côté un petit peu psychédélique. Je ne sais pas comment le dire autrement, tout simplement. Et le plaisir, pour moi, il est évoqué parce que, en fait, je ne la connaissais pas et je l'ai découvert en la chasamant, comme beaucoup de musiques que je découvre, je les chasame en les écoutant comme ça, au gré de la vie. Hein. Et là, en fait, c'est le générique d'une émission radio de Studio Bruxelles, pour ne pas la citer, qui ont été un petit peu frustrés ces quelques mois de ne pas pouvoir envoyer leur studio volant aux quatre coins de la Belgique sur toutes les plaines de festivals. Et ne sachant que faire, ils ont créé un programme qui s'appelle Camping Belrica. Et il y a aussi des interviews, il y a des petits happenings, il y a plein de genres de choses. Et il y a surtout une musique de générique. À 18h, juste après le journal, il y a cette petite musique de Altingun qui fait office de, je sais pas, de petit réflexe pavlovien comme ça, où dès qu'on l'entend, on sait qu'on va passer un bon moment. Et c'est exactement ce qu'elle procure, en tout cas chez moi. J'espère que chez vous, ce sera aussi le cas. Et on écoute tout de suite ce petit titre. C'est quoi le nom de la chanson? Je voulais préparer la chanson pour essayer de faire travailler mon articulation, mais c'est Altingun Supurgesi Yokandan. Oh! We'll be right back. je t'aime. Şaşırttın beni, aşka düşürdün beni. Aşk adamı aldatır, da adamı söyletir. Şaşırttın beni, aşka düşürdün beni. Aşk adamı ağlatır, adamı söyletir. avant, c'était Altingun, et là, juste à l'instant, c'était Yel. On a commencé avec un synthé assez hypnotisant, on a terminé avec un petit synthé un peu hypnotisant, en fait, avec Je t'aime encore. Bien joué. C'était mon choix, donc je vais le défendre un petit peu, vu qu'on a quand même eu l'occasion de l'écouter. Moi, c'est mon gros, gros kiff du moment, alors que c'est pas du tout le style de musique, à la base, que j'écoute comme ça au quotidien. Oui, je ne te connais pas comme quelqu'un qui écoute beaucoup d'autotune, ce genre de choses. Ben, c'est ça, et au final, j'ai trouvé l'instru incroyable, du début à la fin. Je l'ai écouté une fois par hasard, je sais même plus à quelle occasion. Et déjà, à la première écoute, j'étais un petit peu bluffé. Surtout que c'est Yel, donc je sais pas si Yel, ça t'évoque quelque chose, mais Yel, c'est un peu fin d'adolescence, en tout cas pour nous. Oui, un peu hystérique, un peu début des années 90. Avec ce fameux feat par la maman avec Fatal Bazooka. C'est ça, c'est à cause des garçons, ou ouais. Je veux te voir dans un film pornographique. C'est ça, c'est la fille énervée qui fait des trucs un peu rigolos, un peu rentre dedans, un peu machin. Et ce qui était pas désagréable, hein, mais là, c'est autre chose, quoi. Ce qui était pas du tout le genre de musique que j'écoutais au quotidien. Et là, quand j'ai fait le lien entre Yel de ce que j'en connaissais et Yel de ce que je venais d'écouter, j'étais assez bluffé, et ça a rendu que la découverte encore plus belle, je trouvais. Surtout que, petite magie du moment, c'est que ce titre est issu d'un album qui sort très très bientôt, début septembre, le 4, L'ère du Verseau, si je me rappelle bien. Et que je trouvais ça d'autant plus cool qu'il y ait des albums qui sortent encore maintenant, vu que il y a pas de promo, il y a des difficultés d'aller dans des radios, de rencontrer des gens, etc., etc. Et donc je trouve ça assez cool. Et puis pas de concert non plus, exactement. Donc ils comptent que sur les radios pour et internet, quoi. Et internet pour en parler et pour l'écouter. Donc je trouvais ça vraiment très très chouette. Yel, je t'aime encore. Dit comme ça, c'est marrant. Oui, surtout quand je te passe la parole. Je t'aime encore. Pourquoi l'accent? Je n'en ai aucune idée. Et les accents, tu peux nous emmener dans les accents peut-être un petit peu. Ah si. Oh la traduction. En plus c'est horrible parce qu'ils ne disent pas ça. Bref, on part au Pérou et on va écouter de la cumbia des années 70 avec les Los Beta Cinque. Qui est donc un groupe du... c'est ton choix, ne me regarde pas avec plein d'interrogations. C'est donc un groupe du Pérou, mais donc la cumbia, donc c'est un style à la base qui est colombien, et puis qui s'est répandu dans toute l'Amérique du Sud. Apparemment, ce serait un peu né d'un mélange des percussions amérindiennes et de petits instruments comme l'ocarina, qui est une toute petite guitare, des flûtes, des choses comme ça, qui fait une musique assez, assez festive et en même temps toute mignonne. Et j'ai eu envie de partager ce morceau qui s'appelle Parajo Bonito avec vous, un morceau de 1979 et qui sonne très, très, très bien. Tout simplement parce que je pense qu'en ce moment, on aurait tous envie de voyager un petit peu, de partir peut-être loin, s'éloigner de cette petite ambiance angoissée. Et du coup, comme on ne peut pas sortir de l'espace Schengen, moi je vous propose qu'on aille écouter Los Beta Cinque, Parajo Bonito. C'est tout, voilà. Partons au Pérou. Para decir las penas, canta un pájaro bonito. Torm, je sais pas comment on le dit, c'est sous Sobrino. Un artiste que j'ai découvert très très récemment avec plein de sons, on va dire ethniques, d'Amérique du Sud, plein de percussions, plein de choses comme ça, c'est toujours très vivant. Il a aussi fait un album avec quasi que de la guitare classique, c'est extrêmement cool. Alors ce qui est hyper stylé, c'est que je sais pas, je me suis trompé en lisant le titre, c'est Torm, mais j'ai lu Storm, et ce qui est trop cool, c'est que le ciel s'est hyper couvert ici dans les studios. Maintenant, c'est pas très radiophonique, mais on vous le dit, on vous l'explique, et on s'est posé la question de savoir s'il y avait des bruits de tonnerre, si ça venait de ce titre-là ou si ça venait dehors, et je pense que ça vient du titre, et c'est marrant le petit décalage qu'il y a eu. Voilà, c'est une je n'ai plus de mots, là, toute espèce d'hallucination auditive, je sais pas. Bref. Et tout ça pour dire que sous Sobrino, c'est très vivant. Ça donne envie justement de danser sous une pluie diluvienne, mais tiède. Je l'ai écrit cet après-midi. Waouh! Ça, c'est quand même un croisement des destins, j'ai envie de dire. Et en plus, au fin fond de l'Amazonie, encore une fois, on essaie de voyager un petit peu, même si l'Amazonie est encore en train de brûler, pour info. Oui. On n'en parle pas beaucoup, mais voilà. Bref, sous Sobrino, c'est fou et c'est hyper varié. Et en fonction des albums, on n'est pas tout à fait sur la même chose, mais il y a quand même un esprit derrière. Et voilà, c'est juste bien. J'ai que ça à dire, profitez-en. Ça suffit, hein. Voilà. Passons à quelque chose d'un petit peu plus rock and roll. Un petit peu moins subtil aussi. Un petit peu moins subtil, vu que une le titre. Une grosse paire de boules. Vu que le titre, et je traduis Nicolas, est Big Balls. Oui, alors AC/DC, bah, changement de style, c'est un petit peu notre cachet tampon Memento approved. Ouais. AC/DC, au final, j'ai l'impression que c'est un groupe qui a. Un groupe énorme, classique, forcément, du rock, mais qu'on a tendance un petit peu à bouder, parce que c'est un peu les trucs trop mainstream, on écoute trop, c'est les trop gros classiques, du coup on les écoute plus. Puis et donc c'est vrai que moi j'avais tendance à plus vraiment écouter, tiens, je vais m'écouter un petit peu de rock. Je pensais pas forcément à ça, parce que je me dis, oh tiens, c'est un peu trop facile, c'est oui, un petit peu trop déjà vu, on l'écoute tout le ça temps. Ça fait 50 ans qu'ils font la même chose. Ça c'est pas faux. Sauf qu'avant de faire la même chose, ils ont quand même évolué un petit peu. Exactement, et justement, au détour d'un voyage en train, en TGV de quelques heures, je m'étais acheté quelques magazines à lire, et il y avait un magazine musical qui était dédié au rock'n'roll d'une décennie, je ne sais plus laquelle, mais je pense que ça devait être dans les années 80, à mon avis. Je pense que c'était le meilleur album rock des années 80, quelque chose comme ça. Et donc, on se baladait dans des albums qui n'ont pas du tout bercé mon enfance, vu que je n'étais pas encore là. Donc, beaucoup d'albums que je ne connaissais pas ou qui n'avaient pas le cachet que certains albums qui sont sortis pendant ma décennie pouvaient avoir sur mon influence musicale, etc. Et donc, il y avait toute une interview, tout un historique du parcours d'AC/DC que j'ai un peu redécouvert, du coup, grâce à cette interview de plusieurs pages. Et c'est le genre d'interview, quand tu les lis, j'avais pas de téléphone avec moi pour une longue histoire. T'as envie d'avoir un téléphone, t'as envie d'avoir un truc musical à côté pour pouvoir habiller toutes les anecdotes que tu lis de musique, ce que je n'ai pas pu faire à l'instant, mais que j'ai fait un petit peu après. D'où le fait que je place un petit essai d'ici maintenant, Big Balls, pardon. Petite précision, Big Balls ici est en fait un peu une blague, parce que Balls, c'est à la fois les balls sexuels, on va dire, et aussi là dans l'histoire, et je pense que c'est une blague même dans la chanson, c'est qu'il parle des balles. En fait, il fait comment dire, il se fout de la tronche des bourgeois qui organisent des fêtes et qui parle des balles, des balls. Et donc voilà, il y a cette petite confusion là-dessus, et ce qui lui permet de dire I got big balls dans la chanson, et de créer la confusion humoristique. Exactement. Et avec un son au final AC/DC des débuts qu'on a tendance à oublier parce qu'il n'est pas si hardcore que ça et pas si grosse disto bourrine que ça, avec des riffs faciles. Des riffs faciles, certes, peut-être, mais avec, je sais pas, il y a un petit côté clean derrière qu'on n'a pas l'habitude d'entendre avec du AC/DC. Moi, j'aime beaucoup. Et petite redécouverte de ce titre, Big Balls d'AC/DC. Society, God's gift to ballroom notoriety, and I always fill my ballroom. The event is never small. The social pages say I've got the biggest balls of all. I've got big balls, I've got big balls. They're such big balls, and they're dainty big balls. And he's got big balls. my ballroom always full, and everybody comes and comes again. If your name is on the guest list, no one can take you higher. Everybody says I've got great balls of fire. I've got big balls, oh I've got big balls, and there's such big balls, dirty big balls, and he's got big balls, and she's got big balls. But we've got the biggest balls of them all. Some balls are held for charity and some for fancy dress, but when they're held for pleasure, they're the balls that I like best. My balls are always bouncing to the left and to the right. It's my belief that my big ball should be held every night. Oh, we've got big balls! We've got big balls! We've got big balls! Dirty big balls! He's got big balls! She's got big balls! But we've got the biggest balls of them all! We got big balls! We got big balls! And I'm just itching to tell you about them. Le choix s'est imposé à toi en fait. On est en train de débattre hors antenne si on passait Pixies ou pas. Et on va la refaire depuis le début. On peut en parler quand même un petit peu, non? Ou pas? Oui, si, je peux en parler vite fait. Bah, voilà. On peut l'écouter. En gros, les Pixies, eh ben, j'arrive avec des années de retard et je me rends compte que c'est très cool. Et que c'est pas que Where Is My Mind. Et il y a plein d'autres choses très, très, très chouettes. Avec notamment Hey, qui est ouf. Et ici, c'est Gouge Away. C'est pas des musiciens de ouf, mais il y a toujours un truc dans leur musique qui marche, qui prend et qui. Et qu'on aime. Gouge Away, Pixies. Gouge Away. You can gouge away. Gouge Away, les Pixies qu'on avait déjà écouté deux fois, la petite intro, bien plaisir, bien bourrin, c'était ton choix, Arthur. Oui, c'était mon choix et mon plaisir, voilà. T'as bien le droit. Autre plaisir, à la limite, un petit peu nerd, mais quand même vraiment très très cool, c'est parler du son de Lemmy Kilmister, à savoir le bassiste et chanteur et leader du groupe Motorhead. Et en fait, je vais vous faire écouter la track, donc la piste de basse seule, pour entendre la violence du son, parce que c'est juste intéressant d'entendre à quel point c'est bourrin, c'est pas propre, mais voilà, il y a une énergie de malade. Mais juste avant, on a une petite explication de Lemmy qui est en soundcheck et qui dit voilà, normalement les bassistes ils jouent comme ça, ce son là, et puis moi je joue comme ça. Et je vous laisse écouter, on revient après. The basic difference is that most bass players sound like this. Whereas I... sound quite different. Voilà, Lemmy qui fait une démonstration de son et qui met donc en fait son ampli à 11, à tous les potards possibles, et il joue comme un bourrin, et en fait il joue ça comme si c'était une guitare. Et moi j'adore, c'est sa petite tête de bienheureux quand tu dis oui, la majorité des bassistes ils jouent comme ça, il fait boum boum boum avec sa petite air nonchalant, et puis dès qu'il commence à jouer en tapant littéralement dans toutes les cordes de la basse, il a une tête de gamin qui se fait plaisir, c'est trop bien, trop trop bien, regardez. Et du coup, Ace of Spades, nom de cette track, nom de cet album de 1980, grand album de rock et de hard rock, et voire de, je sais pas si c'est déjà, je sais rien si c'est du metal ou pas, mais bref, c'est trop bien. Écoutons ça, on va peut-être pas écouter tout le morceau, mais qui fait le manque de propreté, le manque de consistance dans le rythme, et malgré tout un son de fou, proche des guitares, entre la basse et la guitare, aucune limite, aucun respect de rien, et beaucoup de plaisir. Of Spades, voilà. C'était horriblement mal fait, horriblement rock'n'roll, anti-rock'n'roll même. Mais voilà, Ace of Spades, Motorhead, une grosse ligne de basse sans aucun respect de rien. On aime beaucoup. Et je sais pas si on l'entendait beaucoup à la radio chez vous, mais au moment où il s'arrête de jouer pendant quelques secondes, on entend vraiment le retour casque à fond les ballons avec la, la track, à mon avis, témoin, où il y a Lenny qui chante, il y a tout le groupe qui chante et il y a des alertes antivirus qui pop. Ça, à mon avis, c'est... Et aussi, et on entend tout le souffle de son ampli qui est mis à 12 à tous les potards. Quoi. À fond, mais c'est incroyable. Et je vous invite d'ailleurs à aller écouter sur YouTube ou via d'autres plateformes des tracks isolés comme ça. Il y a du, des grands classiques, des Queen, des, je ne sais pas quoi, des Stevie Wonder sans doute, où on écoute track par track toute la musique. Et c'est assez fou et presque. T'as l'impression d'être un petit archéologue de la musique et d'aller écouter, d'être une petite story dans le studio de ces artistes qui enregistrent. Et c'est trop fou d'entendre le souffle, les respirations des chanteurs, etc. C'est assez dingue. Assez émouvant, je trouve. Tout à fait. Pour la suite, on part plus vers le Canada, je crois. Ils sont canadiens. Je pense qu'ils sont américains. Ils sont américains. Un couple, Jack Conte et son épouse, j'ai oublié son nom, mais c'est pas grave. J'arrive. Tu nous cherches ça, tu nous trouves ça. Oui. Je crois que ça doit être un des groupes où il y en a deux, vous allez comprendre, qu'on a passé le plus dans ce Memento. Pourquoi ? C'est un groupe de reprise qui s'appelle Pamplemousse. Nathalie Dawn, voilà. Pamplemousse, il y a eu d'autres déclinaisons. Il y a Scary Pockets maintenant qui font des reprises un petit peu plus funky avec d'autres musiciens. Ils s'entourent toujours de musiciens hyper talentueux, de chanteurs, chanteuses hyper talentueux, talentueuses, ça c'est clair. Et moi, ce que j'adore dans ces groupes-là, c'est, en tout cas dans Pamplemousse ou dans Scary Pockets, c'est le fait qu'ils arrivent à te faire redécouvrir vraiment les titres que tu kiffes, des titres qui passent à la radio, qu'on entend énormément de fois pendant l'année, et ils vont les revisiter à leur sauce, parfois funky, parfois plus soul, parfois plus électro, même parfois dans leurs reprises, et je trouve ça assez dingue d'avoir cette faculté à réinventer des titres qui existent. J'ai hésité beaucoup d'ailleurs sur le titre que je voulais vous passer, entre Scary Pockets, entre Pamplemousse. Finalement, j'ai choisi Pamplemousse avec un album dédié à des reprises en français. C'est forcément peut-être un petit peu moins impressionnant pour nous en tant que francophones d'entendre des gens chanter en français, mais j'imagine leur public américain, leur public anglophone en tout cas, découvrir ces reprises avec un petit peu d'étonnement. Et avec un style très, très gypsy, un peu français, avec sa baguette manouche, sous le bras. Assez drôle, et dans un français franchement incroyablement maîtrisée. Je ne sais c'est pas fou. Si elle a des origines françaises ou de la famille française. Ou bien si elle a été coachée et elle a travaillé son accent français de dingue, mais tous les petits sons, tous les U, les R, les choses comme ça, franchement, c'est 99% parfait. Je pense que si on le fait écouter à quelqu'un qui ne sait pas que ce n'est pas une francophone à la base, je pense qu'on ne le sait pas. C'est ça. On ne s'en rend pas compte. Un album qui s'appelle En français, tout simplement, avec des reprises de Brassens, de Trainet, je pense, plein d'autres choses, même des reprises un petit peu parodiques. Je vous laisse découvrir ça. Et là, c'est Je me suis fait tout petit, repris par Pamplemousse. De Brassens. C'était mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau. Quand elle me sonne, j'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menette. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dure à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombée tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je ses bras en croix, je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre, qu'on se pende ici, qu'on se pende ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la touche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je me suis fait tout petit. Pamplamousse qui reprend en français dans le texte. Brassens, avec je trouve ça fait un tout petit peu peur le côté un peu manouche, et en fait il y a des petits arrangements, des petites voix, des petites choses qui sont quand même fort sympas. Ces gens ont quand même un certain talent. On peut changer un peu d'ambiance. Moi j'ai envie. J'ai envie de vous parler de vacances, même si on n'y va pas du tout là. Mais tu sais que c'est bientôt la fin là. Oui, je sais. Je m'accroche à ce que je peux. Moi je vous propose de sortir. En fait, d'écouter de quoi vous ambiancer en voiture, en allant à la plage. Je pense que c'est la meilleure façon de résumer ça, et on va faire ça avec Riles, qui mélange du rap en anglais, des mélodies un peu arabisantes, parce qu'il est d'origine algérienne, et toujours une énergie méga motivante. C'est un super bon danseur en live, ça a l'air fou. C'est un gars par contre qui reste vivre à Rouen, il a pas envie d'être à Paris, il veut rester en dehors de tout ça, alors que le gars a quand même eu Snoop Dogg dans son clip, et puis il a fait des millions de vues et des millions d'écoutes. Il a plus gardé son taf, il travaillait dans une école à la base, il était éducateur ou quelque chose comme ça. Non, je pense au tout début c'est de sa possible, carrière. Ouais, c'est possible, ouais. Je maintenant, pense qu'il a dû arrêter, à mon avis. Oui, là maintenant, oui. Il continue, voilà, dans son home studio chez lui. Des fois, il va faire du home studio à l'autre bout du monde, mais voilà, il est à Rouen. Et donc, c'est un gars qui se fait plaisir, simplement. Il y a un super cool docu, très court, mais très chouette, de son Tiger Tour, qui est juste un enchaînement de d'images avec un peu de texte, c'est chouette, et c'est sur YouTube. Voilà, pour ceux qui peuvent encore partir en vacances ou qui veulent s'ambiancer dans leur voiture, en écoutant ça à fond de balle, on écoute un single qui est sorti en 2016 déjà, I Do It, Riles. I do it for my dad and I do it for my mama. I do it for my sahabs and I do it for my sisters. I do it for my city and I don't forget Africa. I do it for my hoes, my thug, my bitches, my gangsters. I do it for the best, how could I forget my haters? And I do it for my uncles, they told me to fucking do it. Better have a degree, smart to thinking that I go nowhere. But I don't wanna be no one, been working like a Trojan man. I know you know it, no one listens. In your buzz. I always see my bros, my niggas, my blood. Never for the fuzz, they shootin' my guns. I wanna be the beast, but can I be bad? You see this for me, for you, and for us. I do it for the streets and for the suburbs. Plus I do it for the passion and I do it for the passions. Now I never forget the pain from this fight. I do it for my family, I do it for my family, I do it for my family, that's why. You do it for your family and shit, that's cool. But don't tell me you don't do it for money, bruh. I don't fuck with that money. And once I got some, it's for Randy. Buy a plane for money, cause we live for Mexico City. For now, we in Rico Tony. Be wise, Chico, ain't no worries. Time is money, sorry, hurry. I hit myself, I'm too busy, yeah. Brother, brother, brother, don't be 9-11. I'm about to fight the fire. For my baba, for his sacrifice. worries. Why worry worries? I do it for my hey, I know they got my back. Why worry worries? As we about to bid and you about to cry. I Do It, c'était déjà ton dernier titre, plaisir dernier de cette émission Memento. Exactement. Au plaisir. J'espère que vous êtes autant ambiancé que nous, on s'est ambiancé dans ces studios. Eh bien, c'est la fin. J'ai l'impression de saturer, je ne sais pas oui, si c'est moi. Oui, t'as saturé, je d'accord, sais pas, c'est pas grave, tout va bien. Je ne vais pas parler trop fort. C'est la fin de cet 50e épisode. On est extrêmement fiers d'être arrivés au 50e épisode avec vous. N'hésitez pas à l'écouter les 49 autres sur Spotify, parce exact. Qu'ils y sont, sur Apple Podcast, parce qu'ils y sont aussi. Il y a eu de l'évolution, il y a eu du chemin parcouru hein, en 5 ans. Si vous voulez voir un projet qui évolue, qui se tente, qui s'expérimente et qui fait plein de choses différentes, et bien vous pouvez vous balader dans le Memento. On s'est bien amusé et c'est pas fini. Du coup, merci beaucoup. On se retrouve pour le 51e dans un mois, 4e jeudi du mois. On espère que ce sera l'épisode qu'on pourra fêter comme des dingues. Et puis sinon, on continuera de toute façon à trouver des formules qui mettent la musique et les jolis moments à l'honneur. Exact. Moi, je termine avec mon dernier petit choix, peut-être ouais. pour terminer en beauté. C'est une musique que j'ai découvert dans un film que j'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça, The Gentleman, un film de Guy Ritchie, mm-hmm. avec que du beau monde, Matthew McConaughey, Hugh Grant et plein d'autres. Dont il y a Colin Farrell aussi qui a un moyen rôle dans le film. Plein de choses, plein de belles choses, plein de beau monde. Alors, le film m'a pas mal plu parce que déjà, je suis un adepte du cinéma de Guy Ritchie. Après, la fin m'a un petit peu laissé sur ma faim, mais il y a une musique à un moment. Ce genre de petite pépite musicale que tu découvres dans un film qui te font voyager. En plus, cette musique, je la trouve hyper, hyper cinématographique. On s'imagine une fin de film avec toutes des petites pièces du puzzle qui viennent se mettre ensemble et qui viennent former l'intrigue finale du film. Et je pense d'ailleurs que c'est exactement à ce moment-là que cette chanson arrive. C'est une chanson de Paul Jones, un anglais, artiste anglais des années 70, je pense. Et le titre, c'est Free Me, pour conclure ce petit memento. Merci Arthur. Merci à vous, merci à toi Nicolas. Passez une bonne soirée sur Radio Panique. Si je dis pas de bêtises après, c'est... Réservoir d'Homme. Réservoir d'Homme, merci beaucoup. Passez une bonne soirée, ciao. I see it all before me, my past of restless wonder, my days and nights of torment, a world of misery. The bonds of retribution, now laid so carefully, I cannot shed my pain so easily. My spirit's broken, no will to live. My body's all aching, my hands are tied. I need my freedom, not your sympathy. Look, you needn't love me, just set me free. Come on, please set me free. Set me free. There's a way out for me. I kneel before you helpless. Is there somebody out there to take a chance on me? I don't pretend to virtue. I don't ask anything. But if you want to have